Exode chapitre 31. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, « Regarde, j'ai appelé par son nom Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, en science et en toutes sortes d'ouvrages, afin d'inventer des dessins pour travailler en or, en argent et en airain, dans la sculpture des pierres, pour les mettre en œuvre, et dans la menuiserie, pour travailler en toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Aholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la science au cœur de tout homme d'esprit, afin qu'il fasse toutes les choses que je t'ai commandées, savoir, le tabernacle d'assignation, l'arche du témoignage, et le propitiatoire qui doit être au-dessus, et tous les ustensiles du tabernacle, et la table avec tous ses ustensiles. Et le chandelier pur avec tous ses ustensiles, et l'autel du parfum, et l'autel de l'holocauste avec tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement, et les vêtements du service, les saints vêtements d'Aaron, sacrificateur, et les vêtements de ses fils, pour exercer la sacrificature, et l'huile de l'onction, et le parfum des choses aromatiques pour le sanctuaire. Et ils feront toutes les choses que je t'ai commandées. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, « Toi aussi, parle aux enfants d'Israël, en disant, « Certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous en vos âges, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Gardez donc le sabbat, car il vous doit être saint, quiconque le violera, sera puni de mort, quiconque, dis-je, fera aucune œuvre en ce jour-là, sera retranché du milieu de ses peuples. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du repos, une sainteté à l'Éternel, quiconque fera aucune œuvre au jour du repos, sera puni de mort. Ainsi les enfants d'Israël garderont le sabbat, pour célébrer le jour du repos en leurs âges, par une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, et il a cessé au 7e. Et s'est reposé. Et Dieu donna à Moïse, après qu'il eut achevé de parler avec lui sur la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.